sans te délaisser. Et toutes les nuits je les passe sans toi. J'écris mes peines, j'écris quand je suis blessé. Je sais que t'as peur, tu regardes tout le temps mes réseaux, voir si je compte te remplacer. Mais je pourrais pas me permettre de perdre un diamant. Un jour tu comprendras et je suis pressé. Tu sais je connais tous les risques mais j'ai besoin de toi moi. Y'a comme un vide quand je te vois pas dans la salle non. Et je te trouve tellement sexy sans make-up, sans talons. Et je ferai tout pour qu'un jour tout ça s'arrange. Quand tu tombes, je tombe comme domino. On avancera main dans la main. On verra les plus beaux horizons. Ma belle, my wife et madame Zada. Si tu veux tout ça, faut me follow. Allez bébé, follow, follow me. Soit c'est nous deux, soit c'est solo. Allez bébé, follow, follow me. Je veux qu'on soit tous les deux sur la photo. Allez bébé, follow, follow me. Je suis sans toi, je me sens sous l'eau. Encaisse les coups. Si ça marche pas, c'est de ma faute, c'est vrai. Je resterai devant la porte jusqu'à ce que tu m'ouvres. Je t'ai blessé, je refermerai tes plaies. Dehors, il fait froid. J'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de toi. Quand tu tombes, je tombe comme domino. On avancera main dans la main. On verra les plus beaux horizons. Ma belle, my wife et madame Zada. Quand tu tombes, je tombe comme domino. On avancera main dans la main. On verra les plus beaux horizons. My boo, my wife et madame Zada. Si tu veux tout ça, faut me follow. Allez bébé, follow.